Salut, c'est Kaina. Je vais voir une exposition de photos au musée de la ville demain. Tu veux venir avec moi? On se retrouve à quelle heure? Rappelle-moi au 06 75 48 98 32. Bise!